ça c'est bon but. Autour du feu, présenté par Plantcaster et Damien. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 10e podcast d'Autour du feu, podcast hebdomadaire analysant chaque épisode de la saison 20 de Koh-Lanta intitulé La guerre des chefs. Je suis Plantcaster, l'animateur de cette émission, vous me connaissez. Vous connaissez Damien, mon associé. Salut Damien. Salut Plantcaster, ça va? Bah écoute, tranquille. Et avec nous, trois anciens intervenants qui reviennent pour une deuxième fois. On va les présenter. On va commencer par l'autre associé de la chaîne Koh-Lanta News d'hiver. Nous avons eu Gargo la semaine dernière. Cette fois-ci, nous avons Fondy. Salut Fondy. Bonjour tout le monde. Donc moi, c'est Fondy de la chaîne Koh-Lanta News d'hiver. Je suis Koh-Lanta depuis Koh-Lanta Vietnam, donc depuis 2010. Avec nous également Losk Alexis. Salut Losk Alexis. Salut Plancaster. Bonjour tout le monde. Et avec nous également Shkatia Vyok. Salut Shkat. Salut. Sans plus attendre, on va présenter le plan de ce podcast. Alors, on va conserver le plan que Griffiths et Felouz nous avaient proposé, c'est-à-dire d'analyser chaque candidat les uns après les autres. Ça nous permettra de faire de plus grosses analyses et de brosser vraiment tout ce qu'il y a pu y avoir durant cet épisode. Alors, on va commencer par le principal, par les deux personnages principaux, ceux qui ont alimenté l'épisode, ceux qui créent un petit peu les dynamiques de la saison. C'est Cindy, ouais, et Maxime. Il va y avoir beaucoup de choses à dire tellement on les a vus durant cet épisode. Alors, on va commencer peut-être par Cindy, qui, encore une fois, a contrôlé la situation et a énormément été mise en avant. Bah déjà, moi, je trouve que Cindy, franchement, elle s'en est bien sortie, car c'était très tendu, comme on l'a vu dans l'épisode 10, là. Est-ce qu'on raconte ce qui s'est passé avant le conseil ou pas? Oui, tu peux. C'est-à-dire qu'en fait, il y a Brice qui voulait éliminer Cindy. Heureusement qu'il y a Claude qui a pu le dire à Cindy. Et de là, tout s'est retourné contre Brice. Donc Brice qui voulait absolument éliminer Cindy car il a trouvé trop stratège. Et du coup, qu'est-ce que t'as pensé un peu de ce que Cindy a apporté durant cet épisode? Je trouve que elle était très active sur le camp. Franchement, moi, dans cet épisode, j'ai trouvé qu'on la voyait beaucoup. Je pense que c'est même l'aventurière qu'on voyait le plus. Alors, il y a Fris qui dit sur le chat qu'il pense que Cindy a moyennement joué, qu'elle s'expose un peu trop et il a peur que ça lui retombe dessus. Et Juju nous dit de manière très brève, Cindy Queen, Maxime Burke. Je sais que Maxime, alors dans notre communauté, Maxime est plutôt mal aimé. Il n'y a que Shkat hein, qui aime bien Maxime. Shkat, est-ce que tu peux nous développer un peu ton avis là-dessus? Bah, je vois pas trop ce que vous reprochez à Maxime. Je pense que c'est un bon candidat sur les épreuves. Après, peut-être qu'il est un peu prétentieux, mais je pense qu'ils le sont tous, au moins un petit peu quand même. Il y a quand même 2-3 personnes qui sont assez d'accord avec toi. Je vois par exemple Felouz et Griffiths qui nous disent qu'ils aiment beaucoup Maxime, que Maxime est génial. Juju nous dit qu'il est assez drôle, mais qu'en tant que coéquipier, il a l'air détestable. Et c'est vrai que c'est l'impression que l'on a de lui, c'est que socialement, il est vraiment mauvais. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie de lui donner des crédits qu'il mériterait parce que bah, il est insupportable. Quoi. Alors, si je peux me permettre, je peux faire un parallèle avec Yacine parce que Yacine avait été également présent sur les épreuves, mais par contre, dans sa première saison, il avait vraiment un social de merde. Et Maxime, je trouve que c'est plutôt la même chose. Et pourtant, Yacine était adoré des spectateurs, tandis que Maxime a l'air beaucoup moins apprécié. Je ne comprends pas du tout, alors que c'est plutôt le même personnage. Alors, Matrine dit que Maxime est un peu le personnage qu'on adore détester. Losk Alexis, est-ce que tu as un avis à rajouter là-dessus? Eh ben moi, en fait, je suis pas du tout d'accord avec Scott. Moi, ce qui me dérange pas chez Maxime, c'est pas le côté sportif, côté chef. Moi, c'est surtout le côté social. C'est au niveau de sa prétention. On l'a bien vu quand il a vu les cibles. En fait, ouais. Il a dit à personne, c'est-à-dire ce qui me gênait aussi chez lui, il allait sur les cibles, et il a pas dit au début, il a tiré les cibles et tout tranquille et tout, et derrière, il se croyait fort, il se croyait supérieur. Mmh. Et heureusement, il y a Cindy qui a remporté le duel avec lui lors de l'épreuve de confort. Le montage de cette épreuve était assez sympathique, on voyait le duel entre Cindy et Maxime, et l'orage, enfin le bruit d'éclair qui s'est abattu durant l'épisode, quand on voyait les deux flèches de Cindy et Maxime, et qu'on voyait Cindy battre Maxime, c'était assez drôle, ouais. C'était vraiment un très bon moment. Damien peut-être, on n'a pas encore entendu. Moi pour parler de Maxime, je pense que c'est un excellent personnage télévisuel, c'est la Némésis quoi, c'est le personnage comme ce qui est dit dans le chat, qu'on adore détester. Après, oui, ce qui est génial, c'est qu'il a absolument aucun recul sur lui-même. Il fait des commentaires. Enfin, je pense qu'il a pas cette conscience, cette finesse sociale sur le camp. C'est que, par exemple, ne serait-ce que pour le feu. Admettons, vous voyez, quand Aurélien passe toute la nuit sur le feu, et qui dit « Oh là là, mais moi j'ai dormi 4 heures, j'ai très bien dormi, je suis en forme. » Si t'es un peu malin, tu ne fais pas ça. Toutes les réactions des coéquipiers convergent dans le même sens, c'est-à-dire que Maxime est fort sur les épreuves, mais qu'il est ultra hautain. Ses commentaires sur Cindy en disant « C'est pas une aventurière, j'écoute garçon, c'est pas toi qui décide. » Voilà, c'est un personnage, voilà, c'est un personnage qui est assez rigolo comme ça à regarder. C'est vrai qu'on aime bien rager dessus. Tout à l'heure sur le chat, on l'avait appelé Maxum, ça lui va bien. Parce que quand il a perdu, on sentait vraiment le petit ego blessé, tu vois, que comment Cindy, la bimbo, oulala, mais comment a-t-elle osé le battre? Ah voilà, et Cindy, en fait, c'est ce qu'il dit, c'est que Cindy d'un côté est quelqu'un de qui peut paraître légère comme ça, qui mais quelqu'un d'extrêmement spontané, qui dit vraiment tout ce qui lui passe par la tête, et ça marche parce que justement c'est hyper naturel. Et leurs caractères sont diamétralement opposés, et je trouve que c'est un beau combat, même si je pense honnêtement que c'est Maxime qui en sortira perdant, parce que même s'il va en finale, je vois pas du tout Maxime gagner parce que les gens lui en veulent trop. Après, il y a Freeze qui mentionne quelque chose d'assez pertinent, c'est que il a pris cher pendant le conseil, tout le monde l'a défoncé pendant le conseil. Et que lors du vote, il a suivi la majorité, et que si jamais il se remet en question maintenant, peut-être, c'est une supputation, hein, qu'il pourrait mieux se replacer et mieux avancer dans le jeu en comprenant un peu les erreurs qu'il ait pu faire auparavant. Tout le monde l'a critiqué. Hein. Mais c'est ça, parce que Steve l'accusait de faire des dissertations, Mohamed disait qu'il parlait beaucoup trop. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est pas non plus le mauvais bougre, hein, on l'a vu lors du conseil, c'est que quand il a écouté ce qu'on avait à lui dire, ce que les candidats avaient à lui dire, il était là en mode bah, « Pourquoi vous ne me l'avez pas dit ?» tout ça, machin. Il essayait pas d'être dans l'opposition brutale, c'est-à-dire « Non, non, moi j'ai raison, ni, ni, ni. » Il a essayé vraiment de comprendre ce qui se passait autour de lui, et ben, c'est peut-être aussi le début d'une meilleure compréhension de la sociabilité dans le jeu, tout simplement, je pense. Alors, sur le chat, il y a quand même des avis assez partagés, parce qu'il y en a même quelques-uns qui pensent que Maxime est vraiment très stratégique, il comprend le jeu strat, donc c'est le cas de Griffith et Felouz qui pensent cela, par exemple, alors que Juju est plus nuancé. Juju ne pense pas que, stratégiquement, il n'ait pas fait grand-chose de bon, pour l'instant, et que le social casse son jeu. Donc c'est assez disparate, quand même, comme avis, donc c'est assez sympa de voir tous ces avis qui divergent sur ce personnage. Alors, on a pas mal parlé de Maxime. Cindy, est-ce que vous pensez qu'elle peut continuer à contrôler autant le jeu et à s'exposer autant aux yeux des autres ? Bah pour l'instant, je trouve que, comme tu dis, elle contrôle bien. Après, elle a des alliés de circonstance, normalement Claude, qui l'a aidé pour Brice. Après, le camp orange, là, franchement, je sens que c'est, en rajoutant Cyril, c'est un bon noyau. Ils peuvent aller loin. Cindy, justement, qui est sur le devant de la scène, est-ce qu'elle peut peut-être être victime peut-être d'un collier joué, ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut peut-être tenter de jouer sa carte en l'éliminant dans les prochains conseils, dans les 3-4 prochains conseils Ouais, comme dit Freeze justement sur le chat, on n'est pas à l'abri d'une révolte de gens comme Steve, comme Aurélien, comme Mohamed aussi, puisque Mohamed au final qui a suivi pendant tout le jeu et qui pourrait un petit peu se rebeller. Donc ouais, ce qui est Cindy, c'est que j'ai l'impression que justement ça fait deux épisodes qu'elle est trop vite, trop fort, et que je me demande si son montage justement ne va pas montrer sa chute, je dirais aux alentours du final 7, du final 6, par là. Après, faut pas oublier aussi qu'elle a un collier quand même. C'est sûr, après. Est-ce qu'elle va pas se faire avoir ? C'est sûr, mais après, tu sais, quand tu te fais sortir, quand c'est très bien exécuté, ouais. Honnêtement, tu peux te faire sortir avec un collier. Hein. Comme Béatrice, quoi. Elle est sortie avec son collier. Hein. Oui, elle s'attendait. Ouais, c'est vrai. Elle s'attendait pas à se faire sortir comme ça du jeu. Surtout qu'il y a quand même une citation qui, pour moi, est assez importante, c'est qu'elle dit elle veut le monopole de la stratégie. Ça veut dire que si jamais il y a quelqu'un qui parle un peu de vote, qui parle un peu de strat, qui essaye un peu de nuancer le tout, elle risque peut-être de se braquer et d'être un peu irrationnelle avec ce genre de personnes, de vouloir les éliminer à tout prix, ce qui pourrait être un peu le début de sa chute. Un peu peut-être la même chose qui est arrivée à Maxime. Quand on voit Maxime qui a voulu absolument dégager quelqu'un, au final ça commence un peu à se retourner contre lui, et il est passé dans la minorité et à être vu comme quelqu'un d'antipathique. Cindy, avec son caractère, avec sa façon d'être, peut tout simplement subir la même chose si jamais elle continue à vouloir avoir le pouvoir pour elle toute seule. Shkat ? Moi, je crois que sa seule vraie alliée, c'est Claude. Parce que là, elle se sert finalement de Nicolas pour avoir des voix et également des rouges. Les rouges pourraient s'en rendre compte et ça pourrait se retourner contre elle, pourrait l'éliminer. Que jusque-là, les rouges, tout ce qu'ils font, c'est la suivre, mais au final, elle se sert un peu d'eux aussi. Après, les rouges, ils peuvent pas trop faire autrement parce qu'il y a Voilà, deux c'est ce que j'allais dire, ouais. stratégies qui sont C'est obligées de ça. suivre. Et s'ils commencent à faire une stratégie, ça va mal se passer pour eux à la fin, à Non, mon mais ce que avis. je veux dire, Ouais. c'est qu'il pourrait très bien arrêter de suivre Cindy et faire autre chose. Ouais, c'est vrai, ouais. Mais est-ce que ça pourrait pas entraîner leur perte des rouges s'ils changent comme ça? Je sais pas. C'est ce que je me demande. Eux, ils sont plus là en observateur, c'est-à-dire qu'ils sont là pour regarder qui est placé où, compter les points et s'engager dans la bonne échappée au bon moment. Est-ce qu'ils sont alors est-ce qu'ils vont rester affiliés à leur alliance pendant toute l'aventure? Si jamais c'est dans leur intérêt, oui, Cindy et Maud sont de très bons joueurs, ils savent ce qu'ils font. Si leur intérêt est de changer, je pense qu'ils seront capables de le faire, sachant qu'ils sont deux. C'est toujours plus simple de changer de camp quand vous êtes deux personnes susceptibles à le faire que une, parce que quand vous êtes une, toutes les caméras sont braquées sur vous et vous avez une très grosse cible dans le dos. Là, vous êtes deux, donc il y a toujours moyen d'équilibrer un petit peu les cibles et ça peut permettre justement, en ayant une cible plus petite, de pouvoir en mettre plus grosse, une plus grosse sur quelqu'un d'autre et de continuer à éliminer des gens. El Predator qui pense que la relation Maxime-Sidil fait penser à Clémentine et Yacine. Pourquoi pas? Certains sont assez hypés, notamment Paul, par une finale Maxime-Cindy, même si Freeze rajoute quand même que lui veut Maud en finale, donc non, il n'en veut pas. Et beaucoup s'imaginent un épisode d'anthologie si jamais Maxime est à l'orientation et qui rage comme au tir à l'arc. C'est vrai que ce serait assez sympatoche. On va passer au second Oui, c'est chapitre, pas une du option. coup, sur un peu C'est ceux qui sont en position d'intermédiaire sur le camp. Alors, on en a relevé deux, ça serait Mohamed et Klo, qu'on voit un peu dans le jeu comme étant influençables, donc capables d'aller dans le sens du vent. Alors, peut-être plus Mohamed que Klo, selon moi. Est-ce que quelqu'un veut apporter un avis, Shkat, par exemple? Ah bah je trouve que Mohamed ne s'est absolument pas voté perso. Il a foutu ses deux votes sur Aurélien alors qu'il aurait pu voter aussi Angélie. Après je vois pas trop ce qu'il apporte, il sert un peu à rien. Il se contente de suivre les votes, voilà, et puis c'est tout. Il n'a Il pas n'a pas trop eu de place. d'avis personnel. Il aurait très bien Bravo. pu mettre un vote Angélique et Aurélien pour le coup plutôt que de mettre les deux sur Aurélien. Alors, C'est vrai. c'était pour Un diviser peu les votes en cas arbitraire. de collier joué pour éviter que Steve fasse son coup tout seul et fracasse un petit peu le jeu, je pense. C'était en gros un travail, encore une fois, c'était Ouais, mais. pour suivre l'alliance majoritaire et dire ok, on élimine Angélique, mais si jamais il y a un collier, on met autant de votes sur Aurélien que eux ont mis sur Maud, et comme ça on est tranquille. Et c'est ce qui aurait fonctionné, et c'est ce qui aurait eu été, et il y aurait eu un revote, et on aurait eu Aurélien dehors si Steve avait donné son collier à Angélique, ce qu'il n'a pas fait d'ailleurs. Klo, et alors je vais reprendre le commentaire de Clément qui trouve que Klo monte en puissance. Je suis assez d'accord. Est-ce que vous Je trouve que pensez Chloé que. est de mieux en mieux perso dans le jeu. Je trouve Ouais, qu'elle. c'est vrai. Je la trouve bien avec Cindy perso. Je pense qu'elles peuvent aller en finale si elles sont encore à deux. C'est pas faux, en plus c'est vrai que Chloé est un petit peu Yes. la. C'est peut-être elle en plus qui peut récupérer un peu des votes d'aigreur si jamais Cindy est en finale. Klo, pour moi, je la vois à l'orientation. Ouais, je la vois pas ciblée pour l'instant. En allié comme ça, elle est bonne et je pense que ça doit être peut-être une des mieux placées de l'aventure pour l'instant. Mohamed, qui par contre a un jeu peut-être. Enfin, il ne joue pas, mais sa position fait que pour l'instant, limite, il peut peut-être agacer les candidats parce qu'il sait qu'il prend pas trop les choses à son Ouais, compte. c'est vraiment. Mais il est toujours là. Il n'a jamais été ciblé par les votes pour le moment. Et justement, il est plutôt actif. C'est contrairement peut-être à un Nicolas qui, lui, est considéré vraiment comme le maillon faible un petit peu de l'équipe. Mohamed, lui, voilà, il est là, il joue pas. Et du coup, Mohamed, je pense qu'il se place bien, mais je verrais bien Mohamed éliminé peut-être juste avant l'épisode final. Alors, je sais Mais pas, voilà, plus que. je suis pas forcément d'accord avec toi quand tu dis qu'il joue pas. Je suis plutôt d'accord avec Felouz qui dit que Mohamed a assumé ses votes, qu'il joue. Griffith, pareil, qui pense qu'il est intéressant. Je suis assez d'accord. Par contre, ce qui pourrait provoquer sa chute, c'est le fait que Mohamed, pour l'instant, est toujours dans la position de la personne dont on imagine être influencé par les autres. C'est comme ça que Ah oui, Maxime c'est le possible. perçoit. C'est pour ça que Maxime l'avait approché pour essayer de le rejoindre pour voter Cindy. Et on sent que Mohamed n'est pas encore fixe sur ses positions. Et peut-être que Mohamed va peut-être péter un câble et se dire, ok, c'est à mon tour de jouer, c'est à moi de diriger, je fais ça, et que ça pourrait se retourner contre lui et qu'il sorte après au prochain conseil. Ça peut Comme se Brice. produire. Et en plus, on voit lors de la bande-annonce pour le prochain épisode péter un câble contre certains candidats, et ça pourrait peut-être constituer sa chute aussi. Bah, c'est encore Après, la série. Mohamed, s'il arrive à rester encore dans l'aventure, je pense que, étant donné qu'il suit juste, il peut faire basculer la balance à tout moment. Mais comme quoi, on parlait de Klo, comme quoi il pouvait aller en finale et tout, et c'est pas du tout ce qu'on aurait pensé au début de Koh-Lanta en fait. Elle a vraiment passé un cap, quoi. Bah, surtout qu'on voyait quasiment pas Klo, elle servait un peu à rien, et là, on la voit de plus en plus quand même dans les stratégies avec Cindy. Ouais. C'est sûr qu'avec la dernière stratégie, elle a fait une apparition. En fait, Klo était dans l'équipe bleue, qui était peut-être l'une des meilleures équipes de cette saison. Et de fait, c'était pas le personnage principal, parce qu'on avait Maxime contre Frédéric, il y avait Cindy qui était un petit peu l'électron libre, et les autres étaient complètement oubliés par le montage, faut pas oublier. Il n'y a que la réunification, quand là on a commencé à avoir du jeu individuel, que chacun a eu un peu de temps d'antenne, parce qu'il n'y a qu'une seule tribu, et que du coup c'est beaucoup plus simple de donner du temps d'antenne à chacun. Et là, Klo a eu un plus d'importance, parce que elle est l'alliée de Cindy, l'alliée la plus loyale de Cindy, et que c'est Klo qui fait un peu le tampon entre toutes les micro-alliances, dans le but de récupérer des infos pour les donner à Cindy. Cindy qui, derrière, se charge d'exécuter les coups. Alors, est-ce que Klo sait ce qu'elle fait? On ne sait pas forcément. Est-ce que c'est plus par amitié ou par stratégie qu'elle reste avec Cindy? On ne sait pas forcément. Bon, je crois que Ouais. c'est plutôt les deux. Forcément, Bah je... oui, parce qu'au départ, c'était pour éliminer Brice. Et après, on verra, mais Enfin, ouais, je je pense crois aussi pas pour les non. deux. Dans tous les cas, elle aurait eu aucun intérêt à rester avec Cindy, mais je crois qu'elle continue à la suivre parce qu'elle apprécie quand même et qu'en même temps, elle peut avancer. Bah moi, du coup, je voulais rebondir un petit peu sur ce qui se dit sur le chat, parce qu'il y a Griffiths qui parle de Mohamed en disant qu'il est tiraillé moralement, parce que d'un côté, il a une vision du jeu plutôt le travail, le mérite, bon ça c'est plutôt Grumeau ce qu'il disait, et qu'il se retrouve dans un contexte extrêmement complexe, qui ne maîtrise pas forcément, ce qui peut expliquer son inertie. Est-ce que c'est fort de parler de dissonance cognitive, c'est-à-dire quand tu arrives dans un jeu, tu veux le jouer d'une certaine manière, tu t'aperçois que tout le monde autour de toi le joue complètement différemment, et que tu dis que si tu veux durer dans le jeu, tu es obligé de les suivre, et ça donne un dilemme moral. Et c'est ça justement aussi qui fait aussi la beauté de Koh-Lanta, c'est comment tu peux conjuguer tes objectifs personnels, c'est-à-dire jouer avec tes valeurs, et ensuite dealer comme ça avec l'esprit d'un groupe. Et c'est ce frottement qui est vachement intéressant et qui est personnalisé dans Mohamed, je trouve. C'est pas faux, ta réflexion me fait penser un peu aussi à l'évolution du jeu de Pascal. Alors, je fais une très court exemple d'une autre saison. C'est que Pascal était complètement je dirais pas à l'agonie, mais était une quenouille dans l'inconnu au début de Thaïlande. Et il y a eu un tilt, et il s'est mis à comprendre un peu le jeu. Et après, il a fait le jeu qu'on connaît dans Thaïlande, puis après dans le combat des héros. Mais voilà, c'était un petit aparté pour montrer un petit peu que cette dissonance cognitive, comme tu dis, apparaît et. Se manifeste régulièrement, je trouve, et que c'est pas forcément montré. Et là, le fait que Mohamed soit un petit peu le personnage qui représente cette dissonance cognitive, donc pour reprendre ton expression, Damien, peut-être soit lui donner une place, peut-être de finaliste, comme Pascal, du coup, en mode j'ai changé d'avis sur le jeu, mais étant donné que j'avais des principes avant et que j'ai changé d'avis en plein milieu, ça va peut-être me faire voir comme un menteur, machin, tout ça. Ou alors, justement, peut-être que Mohamed va se révéler. Et va prendre le dessus petit à petit et espérer pourquoi pas une victoire, même si je doute qu'avec le montage qu'il est, ce soit un montage de gagnant. Je suis d'accord, je pense pas non plus qu'il gagne, mais voilà, il peut aller loin et pour l'instant, ça reste un bon personnage télévisuel. Mais tous, hein, tous les joueurs, genre chacun a son rôle et je crois qu'il n'y a pas vraiment à ce stade du jeu, il n'y a pas de joueur dont on se demande qu'est-ce qu'il fout là, quoi. Ou alors, ça même un Nicolas. Nicolas, par exemple, pour parler de lui, il a une force comique absolument extraordinaire. Ce grand échalas là, comme ça, avec ses cheveux longs qui traîne un petit peu sa déprime sur la plage tout le temps et qui a tout le temps faim. Voilà, il a quelque chose de très sympathique et ouais, il est drôle. Quelque part, on sait qu'il gagnera pas. Et limite, si on veut, je pense que c'est le bon joueur à amener en finale parce que contre lui, tu es sûr de gagner. Mais voilà, c'est ça aussi qui est appréciable dans cette saison. Justement, j'ai pris l'exemple de Nicolas. C'est que chaque personnage a son importance, chaque personnage joue son rôle, et c'est ça aussi qui fait un excellent casting et une très bonne saison. Je vais prendre quelques Ouais. commentaires sur le chat. Alors, la plupart sont unanimes pour dire que Mohamed a très peu de chances de l'emporter. C'est catégorique. Et il y a quand même Valentin qui a une petite problématique assez sympathique. Imaginez la finale Maxime contre Nicolas. Qui c'est qui gagne? Alors c'est vrai que c'est une finale vraiment complètement inattendue. Maxime contre Nicolas, mais ce serait très drôle à voir. Moi, franchement, je pense que ce serait Nicolas. Bah, je pense aussi, ouais. C'est sûr, mais malgré que Nicolas ne soit pas apprécié par tout le monde, je pense qu'il gagnerait quand même. Non, Maxime. Bah. Maxime, parce que Maxime, Nicolas, c'est vraiment. Maxime, certes, il est l'antagoniste principal, mais c'est un joueur. Il est vu comme ça. Maxime, c'est Pourquoi quelqu'un qui est parfait, antagoniste? qui est très bon dans les épreuves, qui respecte en tant que candidat. Nicolas, c'est vraiment le comment je pourrais dire, le pantin de la saison. S'il en fallait en choisir un, c'est lui. C'est le gars, il est là, mais au final, tout le monde s'en fout un peu. Ça pourrait être un arbre qui bouge, ce serait la même chose. Comme le dit Felouz et comme le disent pardon Felouz et Grumeau, Maxime, il a le respect, ce que Nicolas n'a pas encore. Parce que Nicolas, et c'est un, je vais reprendre un mème de Freeze pour son review de Topito, avec une image de Nicolas qui pleure en disant. En montrant quatre images, donc multipliées par quatre comme ça, de la même image que de Nicolas qui pleure en disant que c'est comme ça qu'il a faim, quand il est triste, quand il est heureux, quand il est souriant, machin. Et Nicolas, c'est ça en fait, c'est uniquement un mec qui chiale pour son fils, qui a faim. C'est tout. Lancaster, quand tu dis que Maxime il a le respect, tu parles bien sûr des épreuves. Dans les épreuves. Même le respect en tant que joueur, certes, il est insupportable, mais Ouais. il y a du respect pour lui parce que bah, il se démène comme sur le camp, parce qu'il est bon dans les épreuves, parce qu'il a été chef. Il a été chef de l'équipe bleue aussi, donc c'est un personnage important. Et si tu veux que ta saison soit respectée, il faut aussi se dire que Maxime a plus contribué à la dynamique de la saison que Nicolas. Nicolas, tu l'enlèves, il se passe la même chose. Maxime, tu l'enlèves, c'est pas du tout pareil. Quand tu parles de Maxime comme ça, je pense que tu me fais penser à Claude dans Koh-Lanta Vietnam. Ah, c'est possible. Alors, je pense que Claude a quand même plus d'aura que Maxime, mais ta comparaison se tient. Ça me fait penser à ça, Je moi. déteste Claude. Ah bah après ça, c'est les goûts et les couleurs de chacun. Après, forcément, Claude, c'est soit tu l'aimes, soit tu l'aimes pas dans tous les cas. On va passer à un duo qui est assez. Qui est énormément apprécié par quasiment tout le monde, que ce soit notre communauté, les réseaux sociaux, les bisous, tout ça. C'est le duo rouge, Maud et Cyril, qui arrivent à avancer, petitement mais sûrement, sans trop d'obstacles. Et c'est vrai que ce duo-là, alors ça, on en a déjà fait l'éloge et l'éloge et l'éloge, parce que bon, bah, pour l'instant, ils jouent très bien, c'est une très bonne copie qu'ils rendent. Qui aimerait un peu donner son avis sur la dynamique Cyril et Maud durant cet épisode? Alors, rappelons quand même un truc, c'est que Maud a reçu un vote contre elle après sa dernière place lors de l'épreuve, et qu'elle était le choix d'Angélique et Aurélien pour le vote, et que si jamais certains joueurs avaient changé de côté, elle aurait pu sortir. Elle n'est pas sortie. Moi, je pense que si elle n'est pas sortie, c'est grâce à son social qui est excellent. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que, par exemple, Damien, tiens, veut donner son avis là-dessus? Voilà, c'est moi, genre, pour être trop honnête, vu que là j'ai regardé l'épisode vite fait avant le podcast, donc c'est vrai que Maud, c'est je me suis moins focus dessus, mais si je me base vraiment sur les anciens épisodes, c'est que elle a un social extrêmement solide, elle a un extrêmement bon duo avec Cyril qui lui est un peu la boussole stratégique du duo, donc voilà, donc Maud, si en plus elle a eu 3 votes contre elle et qu'au final elle s'est pas super sentie en danger, je pense qu'elle est extrêmement bien placée. Mais par contre, du duo, je vois quand même Cyril aller plus loin, même si apparemment il semblerait qu'il y ait des candidats qui s'énervent contre lui dans la bande-annonce de la semaine prochaine. Ouais. D'accord. D'accord, ouais. Fondi, J'avais pas vu que ça donne comme mon ça. avis. Moi, Alors, j'ai un je vais peu prendre perdu. un commentaire d'Adam et Candice qui pensent que c'est pas une question de social, c'est juste qu'il y a une alliance entre Cyril, Maud, Cindy et Chlo, et que du coup, bah, ça va, c'est comme ça que ça reste. Mais après, les alliances sont faites aussi grâce aux relations sociales que tu entretiens avec les candidats. Cyril et Maud, et c'était Felouz et Griffiths qui avaient défendu cela. Cyril, tout le monde va se dévoiler en lui parlant. Tout le monde va dévoiler ses cartes. Du coup, Cyril et Maud, et donc c'est la théorie générale que nous avons ici. C'est que Cyril et Maud, avec toutes les infos qu'ils ont reçues, surtout Cyril d'ailleurs, ont permis à cette dynamique de la saison d'exister aussi. Donc faut pas oublier que Cindy et Maud ont peut-être plus de pouvoir que prévu, que ce qu'on croit, comparé à Cindy qu'on voit exécuter des coups, qu'on voit prendre le couteau et voilà, mettre dans le dos des gens. Cyril et Maud sont vraiment les personnes qui arrivent à combler un petit peu à calmer un peu les tensions, à expliquer vraiment clairement les choses sur. Pourquoi est-ce que tel candidat a du mal à être entendu sur le camp? Notamment, Cyril Cyril qui explique très bien l'impopularité de Maxime. Au final, ces deux-là, même si le montage tend à ne pas montrer leur importance, ont bien plus d'importance sur la dynamique de la saison que des personnes de la majorité du jeu. Et Maud, si elle a survécu à un conseil qui aurait pu définitivement l'enterrer avec son vote, sachant que ça aurait été peut-être un vote très simple, en mode celle qui a été derrière de l'épreuve, on l'élimine au mérite, machin, elle est restée parce qu'elle a réussi à se mettre sous les projecteurs, en dehors des projecteurs, et qui sont restés sur Angélique et Aurélien, qui étaient visés par l'élimination. Bah, moi, je trouve que Cyril et Maud, on ne les a pas trop vus pendant cet épisode, à part peut-être un peu Cyril. Mais pour moi, pour le moment, ils s'en sortent, je trouve. Normalement, ils auraient dû partir sur les trois premiers conseils, mais ils sont toujours là. Mmh. Enfin, les trois premiers conseils de la réunification. Mais ils sont encore là. Et pour l'instant, pour moi, tout ce qu'ils font, c'est surtout suivre, dans le sens où ils ne peuvent pas trop se permettre de faire des stratégies. Ouais, c'est vrai. Mais par contre, Maud est là aussi, avec Cyril, c'est parce qu'aussi, ils ont gagné des épreuves. Et je trouve qu'elle est pas mal au niveau sportif. Notamment lors de l'épreuve de confort, elle a quand même battu deux fois l'équipe adverse. Et c'est aussi pour ça. Il y a aussi le social, c'est vrai, côté stratégie, mais je pense pas assez aussi, je trouve, au côté sportif. Faut pas oublier que quand on crée une alliance, on la crée avec des personnes avec lesquelles on a confiance. Si on a confiance en ces personnes-là, c'est parce que lors des discussions qu'on a eues avec elles, on a décelé en elles quelque chose de bien, de socialement bien, sincère, authentique. C'est comme ça que les alliances se forment, en étant soi-même, que ce soit devant ou derrière les caméras. Et du coup, si Cindy s'est rapprochée de Cyril et Maud pour éliminer Béatrice, c'est parce que d'une, elle savait que Cyril et Maud étaient réceptifs à son message, que Cyril et Maud lui donnaient l'impression d'être réceptifs à son message, et qu'au final, ils avaient un intérêt commun. Cyril et Maud pour se protéger parce que Alexandre allait être éliminé et que du coup, ils avaient besoin de trouver une alliance assez rapidement. Cyril parce qu'elle en avait marre que Maxime ait un petit peu le leadership. Et du coup, les intérêts ont été mis sur le même plan pour ces trois-là, pour prendre l'exemple de ces trois-là, et que si jamais ils ont aussi mis leurs intérêts en commun, c'est parce qu'ils s'entendaient bien, tout simplement. Maxime, c'était des commentaires qu'on avait pas mal relevés sur Twitter pendant l'épisode, et c'est des commentaires qu'on relève souvent aussi sur le chat, c'est que Maxime, avec un meilleur social, il défonce le jeu. Et que oui, Cyril, alors c'est un débat là qu'il y a sur le chat entre Felouz et Adam et Candice, c'est que oui, Cyril, il a l'un des meilleurs jeux sociaux de l'histoire, tout simplement parce que dans sa situation, ce qu'il fait, ce qu'il a réussi à faire, c'est vraiment prodigieux, c'est du très très bon travail. Dans une finale entre Cindy et Cyril, celui qui gagne, c'est Cyril. Parce que Cindy aura plus d'erreurs contre elle, alors que Cyril, c'est la personne qui a exécuté des coups, a été dans les bons coups, et qui n'a pas énervé les gens. Pourquoi ? Parce qu'il a toujours expliqué clairement les choses. On peut le voir avec Maxime. Il dit clairement, Maxime, c'est pas un mauvais bougre, mais il est chiant, du coup, personne l'écoute. Cindy, elle va plus être dans la réaction spontanée, en mode c'est Maxime m'énerve, Maxime machin. On a bien vu lors du conseil d'ailleurs, c'est Cindy qui s'est le plus emporté. Alors que Cyril met les formes, Cyril, avec sa force sociale qu'il a, arrive à décoincer des situations et à désamorcer les prises de bec qui peuvent clairement être un frein à ta progression dans le jeu. Damien, peut-être un avis, parce qu'on l'a pas encore entendu pour l'instant sur la question. Sur Cindy Maud ? Non, sur Maud et Cyril. Ah, Maud et Cyril, bizarrement, je vois Maud éliminé avant Cyril quand même. Mais Cyril, voilà, c'est un des meilleurs joueurs, vraiment, qu'on ait eu un social à ce niveau-là. Je pense que c'est rare qu'on en ait vu dans Koh-Lanta. Et que je pense que c'est un... Quel que soit le résultat de cette saison, Cindy, Cyril, peut-être Maxime, c'est des candidats qu'on reverra par la suite. Ça, j'en suis convaincu. Alors, comme le dit Freeze et comme le dit également Felouz, c'est que Cyril ne se met pas en avant. C'est ce qu'il faut faire. Et que pendant ce temps-là, il prend les infos, il gère le tout de main de maître et il laisse les autres s'exposer et prendre les coups. Cyril, dans n'importe quel jeu, n'importe quelle aventure, n'importe quelle franchise, n'importe quelle version internationale, il gagne. Parce qu'il a du contrôle et parce que personne ne le voit avoir du contrôle. Ça dépend de la mentalité des candidats. Sauf que Cyril, avec le social qu'il a, peut faire évoluer cette mentalité-là, surtout. C'est ça le truc, c'est que Cyril a cette capacité un petit peu de renverser tout cela et d'influencer les gens en fonction de ce qu'ils pensent. C'est ça le truc avec Cyril qui est très important. Bah non, pas forcément. Si on reprend par exemple la saison Koh-Lanta Cambodge où il mettait en, à partir de la réunification, il mettait en avant le mérite. Puis finalement, Sébastien qui avait un très bon social, il a quand même tel. Oui, mais c'est parce que aussi Sébastien était fort aussi dans les épreuves. Et c'était l'un des favoris. Surtout que Sébastien n'a pas le même contrôle que Cyril. Tout simplement, Cyril, Cyril face à Sébastien, Cyril le défonce et Cyril jamais se fera éliminer parce que Cyril, personne ne pense à l'éliminer. Pourquoi ? Parce que Cyril, socialement, est au-dessus. Sébastien, socialement, c'était pas fort. Comme les gros challenge beast. Hein. Théoura, socialement, c'était mauvais. Claude, il s'est quand même énervé avec la plupart du casting. Enfin, tous ces gros personnages-là, aussi forts en épreuve qu'ils étaient, bah, socialement, c'était pas bon. Alors que Cyril, socialement, c'est vraiment un monstre. Personne arrive à le détester. Sébastien, c'était pareil. Sébastien, il était plutôt bon socialement également. Et en plus, il n'était pas forcément visé pendant les conseils. Pourtant, il a quand même été éliminé à cause d'un retournement de situation. Et le fait aussi qu'il était quand même assez en retrait. C'était pas le candidat qui était hyper social. C'était plus quelqu'un qui était bon en épreuve, exactement, plutôt discret, mais qui n'était pas forcément assez bon socialement. Et du coup, ils l'ont éliminé au F5 à cause de ça. Mais vous avez beaucoup de candidats comme ça, comme disait Plantcaster, qui avaient ou le côté sportif, ou le côté social, ou le côté peut-être un peu dominateur comme ça, qui savait jouer de leur aura. Bon, je pense par exemple à Grégoire lors de son retour. Mais à chaque fois, il leur manquait justement quelque chose. Il leur manquait ce lien social qui fait que on les prend pas forcément pour cible et où ils savent toujours bien se placer. Donc on parlait par exemple de Clémence. Pour moi, ça y ressemble davantage, avec peut-être un peu plus de panache, je dirais, de la part de Cyril. Mais voilà, pour moi, ouais, Cyril a un des meilleurs jeux et voilà, on doit se réjouir vraiment d'avoir un candidat comme ça, quoi. Exactement. De toute façon, pour moi, le social, il emportera toujours sur la sportivité dans tous les cas. Oui. Ah oui, quoi qu'il arrive, oui. Mais en finale, lors du choix. À la fin de l'aventure, le social l'emportera toujours. C'est sûr. En finale, ça l'emportera. Bah, on a bien vu le Raja Ampat, Gérard contre Théoura. Gérard avait explosé Théoura 9-2, je crois. Il n'y avait aucune concurrence possible. Alors, on va passer maintenant à un personnage qui s'est repositionné. Alors, c'est vrai qu'au début, il est un peu moqué parce qu'il a des couvre-chefs absolument pathétiques. Mais Steve, lors de cet épisode, alors Steve, qu'on a un peu vu comme le leader naturel dans cette saison des jaunes, a eu un épisode, je trouve, où il s'est vraiment repositionné dans le jeu, stratégiquement, dans la hiérarchie un petit peu des alliances, tout ça, où il a peut-être un peu plus compris où étaient ses intérêts, il a plus su comment jouer ses cartes. Et moi, j'ai bien aimé ce qu'il a fait, personnellement. Je trouve que j'ai bien aimé parce que, alors, il y a eu un petit conflit avec Angélique, mais je pense que ça va pas rester vraiment dans les mémoires. Mais moi, j'aime beaucoup ce qu'il a fait. Alors, c'est vrai que c'est un personnage très rigolo, mais là, vraiment, je parle uniquement de l'aspect du jeu. Je trouve qu'il s'est amélioré. C'est un meilleur joueur durant cet épisode. C'est que Steve, tu vois, lors d'un précédent épisode, si tu veux, je crois que c'était juste avant la réunification, on disait que c'était un petit peu le lien social dans l'ancienne équipe des jaunes. Steve, il a toujours eu ce rôle un petit peu de médiateur, de pacificateur. C'est un peu son métier, je crois, qu'il est médiateur social. Et il est parfait pour ça. C'est-à-dire que on pouvait penser, début de réunification, qu'il était un peu en dedans. Mais là, non seulement il s'est repositionné, il s'est parlé aux gens, il a cette image un petit peu de droiture sans être rigide. Et ça en fait, je pense, un joueur qui est très très intéressant. Et comme tu l'as dit, c'est qu'il s'est extrêmement bien repositionné. Quand Maxime l'ennuie, il le lui dit. Quand il doit prendre des décisions, il bégaye pas. C'est une très très bonne surprise. Alors, encore. Il bégaye pas, mais il y a quand même Juju qui reproche quelque chose. C'est que Steve avait dit que son collier servirait au jaune. Et ça peut lui être reproché parce qu'il l'a pas utilisé pour Angélique en disant que c'était pas un dindon de la farce. Hein. Ça, d'ailleurs, c'était assez drôle ce moment. Moi, je trouvais ça pathétique. Oh, moi, je trouvais ça assez drôle. Il a raison. C'était assez drôle. Faut être culotté pour demander le collier quand même. C'est vrai. Oui, surtout que elle lui demande alors qu'elle est en danger, elle lui demande maintenant alors que Avant, elle aurait peut-être pas demandé. Et puis voilà, le fait qu'elle cible un autre jaune pour son manque de mérite, alors que Steve voulait peut-être aussi le jouer ce colis pour les jaunes, le fait qu'une jaune cible un autre jaune, il n'a pas forcément apprécié. Et en plus, c'est Aurélien, comme le dit Griffith, c'est Aurélien qui a demandé à Steve de donner le colis à Angélique. Donc c'est quelque chose qu'il faut comprendre, parce que Steve a peut-être eu l'impression d'être pris pour un con. C'est pour ça qu'on parlait de Dindon de la farce. Et qu'il parlait d'un nom de la farce, parce que il voulait pas être pris pour un con, et il l'a compris sûrement, il l'a compris quand Aurélien lui a demandé le collier, tout simplement. Bon, je trouve qu'il aurait dû rester quand même avec Angélique et Aurélien. Il aurait été éliminé plutôt que rapidement s'il si avait fait ça. Par exemple, je trouve que ça se fait pas trop. Quand même. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est pour ça, moi je suis pas d'accord. En fait, je trouve qu'il a super bien joué. Lors de l'épreuve de confort, il a eu la chance d'être le chef d'une équipe pour choisir, il a bien choisi l'équipe. Pour justement ensuite avancer dans la stratégie, oui. Avancer, avoir un bon lien avec les autres. Surtout qu'en je trouve plus, que c'était pas mal. C'est Grumeau qui le mentionne, c'est que Steve, là, il peut gratter l'orientation. Sachant que orientation et poteau, c'est un moment de Koh-Lanta où vous dépendez uniquement des épreuves pour aller plus loin, il peut clairement tirer son épingle du jeu et réussir. Après, son jeu est assez limité quand même, parce que c'est pas Steve que l'on voit. Steve, il a vraiment le montage du personnage un peu fantasque de la saison. Avec ses petites phrases, avec ses slips sur la tête, Robin des slips, comme l'appelle Freeze. Steve, peut-être a-t-il avancé trop tard, mais le fait qu'il évolue un peu son jeu me plaît. Après, est-ce que ce sera suffisant? Est-ce qu'il a besoin de produire plus? Bien sûr. Est-ce que ce sera suffisant? Je ne pense pas. Mais ça reste un bon personnage, et je trouve qu'il a eu un peu plus d'épaisseur stratégique durant cet épisode. Et moi, je l'apprécie énormément pour ça. Moi, Steve, je l'apprécie beaucoup, et je pense que... il arrivera en finale. Moi aussi, je veux aller très loin, Steve. Dans la manière dont il joue, je pense que ça va lui permettre d'arriver en finale. C'est vrai, je suis d'accord. Bah, comme le dit Felou, c'est un peu un filou aussi, Steve. Donc, ouais. Il peut aussi... voilà, et Griffin nous dit, il a toujours été strat, et voilà. Damien, peut-être, un avis sur Steve ? Surtout, ce que je dis, c'est qu'il se rend compte que... faut se rendre compte que sur les trois derniers conseils, sur quatre joueurs, il y a trois anciens jaunes qui sont éliminés. Béatrice, Sophie et là, du coup, Angélique. Et Steve réussit à survivre au-delà de ça. Il réussit à survivre sans même être vraiment inquiété. Et ça, je trouve ça très fort. Et comme disaient Griffiths et Fellows, il a toujours été strat, Steve. C'est quelqu'un de très intelligent. C'est quelqu'un qui est extrêmement bien se placer. Angélique, sur cet épisode, bon, voilà, c'est vrai qu'elle a eu un jeu strat qui était beaucoup trop faible, qu'elle s'est peut-être un peu trop reposée sur son duo avec, avec Aurélien. Et essayer à jouer des tours, mais Steve, voilà, c'est Steve, il s'est admirablement bien passé. Ça fait partie aussi, bah, comme je disais, des joueurs qui n'ont pas reçu de vote. Et pour moi, oui, c'est une bonne surprise. Je suis content sur cet épisode. Il se révèle enfin un peu. Steve, c'est d'abord l'analyse. Il analyse avant de faire quoi que ce soit. Et en plus, c'est ce qu'il dit d'ailleurs. Dans l'entreprise de destruction des jaunes, Steve n'a pas été visé et Steve a aussi compris que pour tenir dans le jeu, mieux vaut se mettre à l'écart de ceux qui revendiquent encore d'être hyper jaunes et tout, et essayer de trouver un autre moyen de se replacer, d'autres intérêts, pour peut-être ensuite détruire d'autres personnes qui vont s'entretuer. On pense à Cindy, Maxime, entre Mohamed qui ne sait pas encore comment se placer. Il y a moyen pour lui de dynamiter un peu ce groupe-là et de mieux se replacer, tout simplement. Donc, je pense que Steve est assez sous-évalué dans son potentiel de joueur et qu'il peut vraiment faire des dégâts s'il continue comme ça. Alors, maintenant, on va passer à un personnage. Alors, on se demande, c'est vrai, comment il fait pour être encore là, parce que tellement on l'a vu être dans la minorité, dans la minorité, dans la minorité, être complètement détruit de tous les côtés. C'est vrai que c'est un peu un running gag quand on le voit pleurer, quand on le voit penser à son fils. C'est Nicolas, alias Tortue, comme il est appelé sur Topito. Nicolas, qu'est-ce qu'il y a à dire sur lui à part le fait que, bah, au final, on rigole quand on le voit. Quand on le voit pleurer sur son fils, manger, reprocher de pas avoir mangé, de pas énormément manger, tout ça. Moi, je trouve ça drôle. Et comme j'avais dit sur Twitter l'autre jour, dans un Koh-Lanta qui est très intense où on voit énormément de stratégies, le fait qu'il y ait un personnage assez décalé, ça permet un peu d'avoir un ensemble vraiment cohérent de tout ce qui est l'aventure Koh-Lanta, avec le manque des proches, avec la bouffe, avec le jeu. Et je trouve que Nicolas permet à la Garde des Chefs d'avoir vraiment une légèreté et vraiment un tout pour une saison de Koh-Lanta. Nicolas, après, il est encore là aussi grâce à Cindy. Enfin, là, dans le dans cet épisode-là, il est encore là grâce à Cindy. Étant donné qu'à l'épisode 9, ils ont été en duo, Cindy compte le protéger. Qu'est-ce que vous pensez de Nicolas, sinon Scat, par exemple. Bah, moi, je trouve que c'est un candidat plutôt moyen, quand même. Ah bah oui. Enfin, au début, il était quand même au bout de sa vie. Il pleurait pour son fils. Limite, je croyais beaucoup qu'il allait abandonner, mais finalement, il est encore là. Ce qui relève un peu du mérite. Je suis assez d'accord. C'est vrai que je m'attendais pas du tout à ce qu'il aille aussi loin, en fait. Je m'attendais à ce qu'il parte beaucoup, beaucoup plus tôt. Et il s'en sort grâce aux stratégies, après, de Cindy, notamment, et Steve. Alors, comme le disent notamment Grumeau et Adam et Candice sur le chat, c'est que il est là pour faire le nombre, et que c'est un pion parfait pour aller au bout. Personne veut, comme le dit Griffiths, personne veut réellement le virer, parce que tu sais que face à lui, tu gagnes. Du coup, bah, tu fais le maximum pour le tenir, déjà, pour le tenir à l'écart de ce qui se passe, mais pour le garder quand même en tant que... vraiment pion ultime, tu vois. Donc c'est ça aussi qui est, c'est à ça que Nicolas sert, si je peux dire. Nicolas, si tu veux le virer, c'est, enfin, des candidats comme Nicolas, si tu veux les virer, c'est pendant la phase par équipe, parce que t'as besoin d'avoir une grosse équipe soudée et que tu vires un peu les éléments inutiles. Maintenant, on est en réunification, on est totalement dans le jeu individuel, ça sert à rien de l'éliminer, ça sert plus à rien. C'est vrai. Tu gagnes contre lui, donc non, moi je vois pas pourquoi on l'éliminerait. Tu sais que tu gagnes contre lui. S'il est dans ton camp, tant mieux. S'il n'est pas dans ton camp, bah, tu peux être frustré, mais c'est comme ça, c'est le jeu. Et justement, c'est que par rapport à ce qui se fait aux États-Unis, on sait qu'aux États-Unis, il y a tout un lexique, un petit peu de stratégie, ce qu'ils appellent une goat, qui veut dire chèvre. Bon, il y a des termes un peu plus amènes, mais voilà, c'est typiquement un candidat qu'on amène avec soi en finale parce qu'on sait qu'il n'aura strictement aucun vote, ou parce que les gens ne l'apprécient pas, ou parce qu'il n'a rien fait, ce genre de choses. Et ce qu'on disait, c'est qu'il y a eu assez peu de goat dans Koh-Lanta. Moi, celles qui me viennent à l'esprit d'abord, bah, c'est Chantal de Johor. Parce qu'elle était très très peu appréciée. Il y avait, pour remonter encore plus loin, il y avait Francis de Koh-Lanta 5, parce qu'il avait éliminé tous ses ex-coéquipiers dans le jury. Après, je pense que moi, je vous fais confiance. Pardon ? Pas d'accord, ça, mais vas-y, continue. Voilà, donc voilà, c'est aussi une variable stratégique assez basique, on est d'accord, mais c'est une variable stratégique à prendre en compte. Et c'est pour ça, je pense que Nicolas, justement, il a des chances comme ça d'aller en finale, mais jamais il ne gagnera. Mais à côté de ça, je pense que c'est un télévisuellement, c'est un personnage dont on se rappellera, parce que il n'y a pas une once de méchanceté chez lui, quoi. C'est, comme je disais tout à l'heure, c'est un grand dadais, comme ça, un grand dadais chevelu, il est là, il erre un petit peu, il a le regard au loin, et voilà, moi je le trouve vraiment sympathique. Je suis très content de l'avoir, et qu'il apporte un décalage assez bienvenu. Et ouais, moi je suis content que Nicolas soit encore là. Voilà. Ah, je suis d'accord avec toi. Et le bouquet, ce serait qu'il gagne une épreuve, honnêtement. On est pas les perdants, putain! Allez, vous allez arriver! Allez! Les poumons! Et on va passer enfin donc au duo, qui a été coupé en deux, Aurélien et Angélique. Alors, les deux sont ensemble depuis le début, on a vu des moments où l'un disait qu'il fait confiance qu'à l'autre. L'un d'entre eux a été éliminé, c'est Angélique. Bah, moi je trouve que le duo Aurélien-Angélique, franchement, je trouve qu'il a pas servi à grand chose. Bah, comme on a pu le voir, hein, Angélique a été éliminée. Même dans la stratégie, je trouve que... Ils étaient bien à part. Du coup, ils votaient par-ci par-là, mais rien de plus à dire sur eux. Et alors, c'est que je vais reprendre un peu des commentaires qu'on avait. Angélique était un petit peu vue ici dans la communauté comme un personnage qui aurait pu nous intéresser. Moi, au final, je suis assez déçu parce que elle a rien fait de notable. Elle a uniquement visé une personne, Nicolas, pour la simple et bonne raison qu'il fait rien sur le camp. Je trouve ça un peu pauvre quand on est champion d'échecs, quand on est quand même habitué à ce genre de jeu-là. À vouloir virer une seule personne pour une seule raison et que ça marche jamais. Si ça marche jamais, il faut aussi se poser des questions, savoir pourquoi est-ce que les personnes ne veulent pas m'écouter? Pourquoi est-ce que les personnes ne veulent pas suivre ma stratégie? Pourquoi est-ce que les personnes n'acceptent pas mes idées? Et si jamais tu ne changes pas, tu ne comprends pas cette question-là et que tu ne t'améliores pas sur cet aspect-là, bah tu peux pas durer. Et on parlait de Maxime comme étant un peu borné, un peu chiant, tout ça. Mais lui a fait l'effort de comprendre. Il a fait l'effort de comprendre. Et c'est pour ça aussi qu'il a voté contre elle, parce qu'il sait qu'il a une chance, au final, en s'attachant de ça. Angélique, c'était on vote au mérite, on vote au mérite, on vote au mérite, Nicolas, il sert à rien, il sert à rien, il sert à rien. Mais ça sert à rien de jouer comme ça. Alors, moi, je suis déçu parce que je m'attendais vraiment à ce qu'Angélique fasse quelque chose de correct, et on était pas mal à le penser. Alors, à part Felouz et quelques autres qui n'attendaient rien d'elle, mais Angélique, moi, clairement, m'a déçu. Et au final, ben, c'est une joueuse standard de Koh-Lanta, comme on en a vu des dizaines avant, et qui ne sera pas notable, et qui ne fera plus Koh-Lanta après, quoi. C'est dommage. C'est dommage de s'être autant borné à sortir quelqu'un, alors que ça n'a pas marché pendant quoi? Trois fois, quatre fois? Donc forcément, si ça marche pas trois fois, ça marchera pas quatre fois, et tu sortiras avant, hein. C'est logique. Et c'est pareil pour Aurélien. Il aurait pu être bien plus fort que ça dans les épreuves sportives. Quand j'ai vu son profil la première fois, cascadeur, je me suis dit, ça va être un aventurier redoutable. Quand il a fait le parcours du combattant, au dernier obstacle, pour passer la rambarde, même Steve a failli la passer. Aurélien, il n'arrivait pas à la passer. Alors, Et ça, franchement. y a Freeze qui nous fait un comparatif Angélique Aurélien avec Shirley et Dino, j'aime beaucoup. Alors, après, beaucoup pensent que Aurélien peut profiter de l'élimination d'Angélique pour se détacher et pour enfin jouer son propre jeu. Qu'est-ce que vous en pensez, Damien, par exemple? Bon, entièrement d'accord. En fait, entièrement d'accord. C'est que Angélique, effectivement, comme tu as dit, qui se bornait un petit peu à jouer mérite et à cibler Nicolas. Aurélien suivait plutôt, parce que je pense que Aurélien, c'est quelqu'un de très introverti et du coup, au niveau social, qui peut pas forcément avoir la même volubilité qu'un Cyril. Mais le fait d'être enfin séparé d'Angélique, je pense que ça peut le réveiller, le révéler. Et pareil, c'est que Aurélien, il peut tout à fait aller. Je sais pas quelle alliance il ira voir, je sais pas vers qui il se tournera. Mais je pense voilà que c'est ce duo. Il était un petit peu au chaud dans ce duo, un peu comme un cocon. Et que là, ça va peut-être le réveiller, ça va peut-être le secouer. Ouais, je sais pas, j'ai confiance en Aurélien, j'ai un bon feeling avec lui. Donc, je me dis, lui, il sera surveillé et ce sera peut-être justement le grand gagnant, on va dire, de l'élimination d'Angélique. On l'espère pour lui en tout cas, parce qu'on n'a pas vu grand En chose, plus, il espérons a une deux révélation. votes. Là, Cyril et Maude peuvent aussi se rapprocher d'eux et essayer de leur monter le bourrichon pour voter quelqu'un de l'alliance majoritaire, hein, ça peut arriver. Aurélien n'a plus rien à perdre. Là, il est dans la position de l'outsider ultime. Donc il peut vraiment, si jamais il se met un bon coup de pied aux fesses, il peut trouver une solution et essayer d'exploiter une faille. Et en plus, il a deux votes, donc ils peuvent utiliser son double vote et s'unir. En plus, il a deux votes. Alors après, deux votes, c'est quand même un gros pouvoir. Est-ce que les candidats vont avoir peur de ça? C'est possible, faut faire gaffe. Mais c'est une variable à prendre en compte en cas de conseil, justement. C'est que normalement, tu fais le compte un petit peu avec les alliances et tu te dis, mais attends, il y a le double vote, donc du coup, ça peut obliger aussi à adapter une stratégie. Plus, on va dire, si la personne qui a double vote est plutôt dans la majorité, ça voudrait dire qu'il faudrait davantage suivre la majorité, ou alors jouer un collier, mais c'est voilà, ça fait partie des multiples variables qu'il y a à avoir dans ce jeu, et c'est ce qui fait tout son intérêt. Donc voilà, je me dis que ça peut être intéressant, ce double vote. Je pense que Aurélien, ça ferait là, avec son double vote, ça pourrait faire un petit peu comme Mohamed. Je pense qu'il pourrait être recruté dans des alliances. C'est vrai. Ouais. Pourquoi Ou pas? après, parce que c'est. Ou Steve, peut-être, je sais pas, parce que c'est un ex jaune. Après, on va Après, voir. je pense que. Alors, il y aura sûrement une explication entre Steve et Aurélien par rapport à ce qui s'est passé. Après, je pense pas Ouais. qu'Aurélien soit le genre de personne à être rancunier ou avoir des. Voilà. À être fâché. Alors, on va voir comment la dynamique du prochain épisode va se dérouler. En tout cas, moi, je suis vraiment impatient. Merci encore, voilà, pour ce nouveau podcast qui est encore bien complet, avec énormément d'informations qui étaient partagées, beaucoup de débats qui ont été mis en lumière par nos intervenants. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure pour le podcast de l'épisode 11 de Koh-Lanta. Damien, Fondi, Los Galaxy, Scat, je vous remercie. je vous remercie énormément pour être intervenu. Et on vous dit... Merci à toi. On vous dit à la semaine prochaine. C'est Plancaster. Salut. Salut, à la semaine prochaine.